que tu crois? Est-ce que tu vis? Est-ce que t'es figurant? Est-ce que tu vois? Est-ce que t'es libre? Ou est-ce que t'es absent? Abstinence et croyance, tout est manigance. L'on décime des chances et des contrefaçons. Retirer la mine, tu tires la cible quand tu n'es pas content. Perds le fil et perds la rime, mais pas le châtiment. Tant se déguise, tout se déguise, on voit audible, on voit audible pour effacer nos noms. Tiens ta devise dans l'arbre humide à comparer les clans. Juste une énigme, quelle heure est-il sur ce qu'il te restera à vivre? Na na na na na na.